Je crois qu'il faut mourir, imagine ce jour-là. J'ai peur que tu viennes pour répondre à mes mots quand je suis incertain que ma raison s'en mêle. J'aimerais pouvoir te dire je suis heureux, je vis. Mon âme est sereine, tu as soigné mes maux. J'ai aimé la vie et détesté la vivre. J'ai poli la faucheuse et ça n'a rien fini. Pas m'avoir cueilli et d'avoir si longtemps prolongé cet enfer. Laissez couler ce sang. Rendez les mains si pites comme les sept vies. Je peux m'enfuir, la vie est vite en moi. Et j'ai voulu mourir, mais elle s'accroche à moi. Seras-tu là quand j'aurai besoin de toi? Seras-tu là le jour où tout finira? Je ne vais pas être seul à l'heure où glissera le linceul. S'il y a un Dieu là-haut qui m'entend, me comprend, me rappelle à lui, j'ai déjà fait mon temps. Je veux partir le premier, ne jamais te voir me quitter. J'ai rêvé d'un groupe éternel, toi et moi serions unis dans un seul être désincarné. Peut-être ainsi libéré de ce corps, les fous pourra dire, sourire autour, enfin.